généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères. L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale. Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle. Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur. Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous. Vous voici, comme chaque jour de cet été, conviés dans le grand amphithéâtre du Collège de France auquel s'associe France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Aujourd'hui, nous explorons celle qui touche la physique. Nous plongeons dans un monde contre-intuitif pour appréhender les lois qui régissent le monde des particules, celui des photons en particulier, ces petits grains de lumière élémentaires qui réussissent l'exploit paradoxal de passer par deux trous à la fois. En compagnie du grand physicien Serge Haroche, nous nous penchons sur les expériences et les immenses apports du système quantique. Dans ses conquêtes, outre l'apport des expériences de pensée chères à Einstein pour avancer dans cet inconnaissable, le moteur a été de donner réalité aux théories quantiques grâce aux avancées déterminantes des ordinateurs et des lasers et en utilisant la lumière qui est à la fois onde et ensemble de particules pour mettre les atomes dans une situation qu'on ne retrouve pas dans la nature. Fasciné par les mathématiques, dont la simplicité élégante rend compte de l'étrangeté quantique, mieux que le langage, Serge Haroche se passionne très vite pour la physique atomique à son entrée à l'École normale supérieure dans les années 1960. Dans le laboratoire Kassler-Brossel, il se spécialise dans l'optique quantique. Chercheur au CNRS, professeur à Paris 6 et dans les plus grandes universités américaines, il dirige le groupe d'électrodynamique des systèmes simples au département de physique de l'ENS de 1994 à 2000. De 2001 à 2015, il est titulaire de la chaire de physique quantique au Collège de France. Entre sa leçon inaugurale et celle de clôture donnée sur la lumière, Serge Haroche a reçu la médaille d'or du CNRS en 2009 et il a été coloréat du prix Nobel de physique pour ses méthodes exprises en 2012. Depuis 20 ans, avec son équipe, il rêvait de construire un piège à photons, piège qui les garde intacts. Une première expérience en 1996 le permet pendant moins d'un millième de seconde. Mais c'est en 2006 qu'ils observent un photon unique pendant un dixième de seconde. Leur recherche passe sous les feux de la rampe. Cette même année 2012, il devient administrateur du Collège de France pour 3 ans. Les laboratoires de physique et de chimie ont été rénovés pour fabriquer un incubateur de jeunes chercheurs en partenariat avec le CNRS. Ardent défenseur de la curiosité gratuite et de la liberté du chercheur, apôtre de la recherche fondamentale qui a besoin de temps et de hasard, Serge Haroche ne manque jamais de rappeler que les grandes découvertes ont toutes été fortuites et toutes ont abouti à des réalisations technologiques que les scientifiques n'avaient pas prévues. Le pouvoir de l'imagination est grand et les possibilités quantiques immenses. Nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France pour la leçon inaugurale de Serge Haroche, la physique quantique, le 13 décembre 2001. Personne ne comprend vraiment la physique quantique. Ce jugement du physicien Richard Feynman exprime une vérité paradoxale sur la théorie scientifique qui a révolutionné notre compréhension du monde et qui a enrichi d'une façon extraordinaire nos moyens d'action et d'information sur lui. Dans cette première leçon, je vous parlerai donc de physique quantique en tentant de résoudre ce paradoxe. Et si je n'y parviens pas, la boutade de Feynman nous laissera au moins la consolation de nous sentir en nombreuses compagnies. Sur plus de 60 ordres de grandeur, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, la physique quantique est invoquée tant pour décrire les vibrations des cordes mystérieuses qui seraient les constituants élémentaires de l'univers que pour rendre compte, par exemple, des propriétés des fluctuations du rayonnement micro-ondes qui nous parvient des confins du cosmos. Entre ces deux extrêmes, on trouve tous les objets du monde qui nous entoure. Ajoutez 20 zéros aux dimensions des cordes que je mentionnais, vous avez le noyau de l'atome, siège de la radioactivité et de l'énergie nucléaire. Encore 5 ordres de grandeur, et voici l'atome lui-même, noyau, lié à son cortège d'électrons par la force électromagnétique. Encore 2 ou 3 ordres de grandeur, et voici les molécules biologiques formées de milliers d'atomes qui sont la forme la plus élémentaire de la vie. Encore 6 à 8 ordres de grandeur, et voici les dimensions du millimètre à quelques mètres, celles des objets de taille à la taille humaine, qui sont formés de milliards, de milliards, de milliards d'atomes. Encore quelques ordres de grandeur et nous atteignons les dimensions des planètes et des étoiles où règne la force de gravitation. Et une quinzaine d'ordres de grandeur à travers les galaxies nous conduit jusqu'aux confins de l'univers. Sur tout ce chemin vertigineux, la physique doit expliquer une variété infinie de phénomènes. Certains sont connus empiriquement depuis très longtemps. D'autres ont été découverts au cours du XXe siècle grâce au développement de puissants moyens d'investigation. D'autres, enfin, aux confins de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, nous posent encore des problèmes non résolus. Mais il est peu de phénomènes dont certains aspects au moins ne soient éclairés par la physique quantique, dont les progrès et les succès au XXe siècle ont été éclatants. Pour caractériser ces succès, les théoriciens parleront peut-être d'abord de la précision extraordinaire de cette théorie. Par exemple, dans le cadre de l'électrodynamique quantique qui traite de l'interaction entre les électrons et les photons, on peut calculer à partir des premiers principes certaines quantités comme le moment magnétique de l'électron avec 10 chiffres significatifs. Et l'accord entre l'expérience et la théorie que l'on observe là n'est égalé dans aucun autre domaine de la science. Un autre aspect important, c'est l'unité de cette physique qui donne du monde une description d'une très grande simplicité, unifiant par exemple dans un modèle standard 3 des 4 interactions de nature, l'électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Et si on est optimiste, on parlera des espoirs d'y inclure la 4e interaction, la gravitation, dans le cadre d'une théorie quantique des cordes. On peut aussi invoquer l'universalité de cette physique. La physique quantique décrit aussi bien le comportement des atomes dans nos laboratoires que de ceux qui se trouvent, par exemple, dans l'espace interstellaire. Les lois de la chimie quantique s'appliquent aussi bien aux réactions dans l'éprouvette du chimiste que, par exemple, celles qui se produisent dans les grains de poussière interstellaire où se font et se défont des molécules qui parviennent à émettre de la lumière que nous recevons après des millions d'années de voyage dans l'espace. Je parlerai enfin des relations extrêmement fécondes que la théorie quantique établit entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, en insistant sur la similitude des phénomènes qui se sont produits à l'origine de l'univers dans un milieu d'une densité et d'une chaleur difficile à imaginer, et ce qui se passe dans les réactions extrêmement violentes entre particules dans nos accélérateurs géants. Mais la physique quantique ne se contente pas de décrire avec une très grande précision la structure de la matière. Par la connaissance profonde qu'elle nous donne des phénomènes qui s'y produisent, elle nous permet en fait de développer des moyens d'action, d'investigation et d'information d'une précision absolument extraordinaire et qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Considérons par exemple le simple petit ordinateur qui me sert à vous présenter cette leçon aujourd'hui. Si vous en exploriez les entrailles, ce qui n'est pas conseillé, vous trouveriez sous le clavier un petit boîtier qui protège une plaque de silicium de quelques centimètres de côté. Sur cette plaque, vous voyez imprimé un labyrinthe de circuits électriques qui relie entre eux de petits empilements de matériaux semi-conducteurs qui constituent autant de transistors, de véritables portes logiques. Les lois qui régissent le fonctionnement de ces transistors sont des lois quantiques. On parle d'effet tunnel, on parle de principe d'exclusion de Pauli, et c'est l'utilisation de ces effets qui permet le fonctionnement de ces machines. En fait, la possibilité de calculer à l'aide de calculateurs mécaniques est très vieille. On peut la faire remonter, par exemple, à la machine mécanique de Pascal au XVIIe siècle. La possibilité de programmer de telles machines avait été entrevue par Babbage au XIXe siècle, qui fabriqua une machine constituée d'engrenages complexes qui pouvait faire des calculs programmables. On peut dire cependant que c'est le développement de l'industrie électrique au début du XXe siècle qui a permis, en remplaçant les engrenages mécaniques par des circuits électriques précisément, de faire naître l'ordinateur moderne. Cependant, les machines que Léon Brillouin, qui fut professeur au Collège de France, contribua à développer aux États-Unis dans l'immédiate après-guerre, étaient, comme vous le voyez ici, formées d'un assemblage d'armoires contenant des circuits électriques et des tubes à vide reliés par des kilomètres de câbles, et leur fonctionnement nécessitait une armée de techniciens en permanence. Et les performances de cet ordinateur étaient cependant de très très loin inférieures à celles du simple petit ordinateur de bureau que vous voyez ici. On peut dire que c'est vraiment la découverte du transistor et surtout la possibilité d'en intégrer un nombre gigantesque dans un matériau semi-conducteur qui a fait exploser les applications de l'ordinateur. Ces principes logiques auraient pu être compris par un homme du XIXe siècle, mais la technologie qui en a permis le développement est complètement incompréhensible à un esprit pré-quantique. Le laser nous fournira un autre exemple d'application intéressante. Je me souviens encore de l'émerveillement que suscitait chez le jeune étudiant que j'étais la vision dans les laboratoires dans les années 60 de ces faisceaux lumineux directifs, monochromatiques et intenses. Jusqu'à cette époque, on n'avait rien vu de pareil. La lumière était de tout temps une onde malaisée à diriger, à faire osciller à une fréquence bien définie. Et le laser a changé cela en exploitant les propriétés de l'émission stimulée des atomes qu'Einstein avait établi au début de l'ère quantique. Et depuis lors, bien sûr, les applications des lasers sont universelles, des plus triviales aux plus sophistiquées, par exemple, l'enregistrement des images et des sons sur les disques compacts, la lecture des codes-barres des caisses de supermarché, pour ne pas parler de la microchirurgie ou des télécommunications par fibres optiques. La mesure précise du temps nous donnera un autre exemple. Les atomes de tous les éléments émettent et absorbent de la lumière à des fréquences caractéristiques immuables et bien définies. Ceci a conduit à remplacer, pour la mesure du temps, l'observation des oscillations de pendules, de ressorts ou de cristaux de quartz qui sont sujets à des perturbations et des fluctuations par l'observation des oscillations électroniques dans les atomes. Ainsi sont nées des horloges atomiques qui manipulent des jets d'atomes à l'aide de faisceaux laser, de champs de radiofréquence, de champs magnétiques. Ces horloges atomiques ont une précision extraordinaire, une précision de l'ordre de la seconde sur des aires géologiques. Et les applications de ces systèmes sont multiples. Ce sont ainsi des horloges qui, synchronisées entre elles et embarquées dans un ensemble de satellites orbitant autour de la Terre, qui envoient des signaux aux petits appareils du Global Positioning System, du GPS, et la mesure du temps d'arrivée de ces signaux permet par triangulation de déterminer la position de ces détecteurs avec une précision ultime de l'ordre de quelques centimètres à n'importe quel point du globe. Et plus personne, pratiquement, n'est étonné d'être ainsi dirigé depuis le ciel avec cette extraordinaire précision. Je parlerai enfin de l'imagerie médicale par résonance magnétique, qui est en fait la conjonction de trois technologies quantiques poussé à un degré extraordinaire de sophistication. Un champ magnétique intense produit par des bobines supraconductrices, qui est un effet quantique, et des impulsions radiofréquences convenablement agencées mettent en résonance les moments magnétiques des atomes d'hydrogène de notre corps. Et ceci est également un effet purement quantique. Et les signaux qu'émettent ces atomes sont traités et transformés en images par des ordinateurs puissants dont nous avons vu que les matériaux obéissaient également à des propriétés quantiques marquées. Ainsi, on peut reconstituer l'intérieur de notre corps, par exemple avoir une vision extrêmement précise du cerveau, et même observer directement l'activité cérébrale qui se manifeste par la modification des signaux émis par nos protons dans des zones spécifiques du cerveau. Ainsi, la pensée, ou du moins sa manifestation matérielle, devient visible. Quel point commun peut-on trouver à toutes ces applications de phénomènes quantiques ? On peut dire d'abord que l'étude de ces phénomènes n'a jamais été au départ motivée par les applications qui allaient en résulter au terme d'un cheminement souvent fortuit. Les applications ne viennent qu'après, et c'est la compréhension des phénomènes, la curiosité gratuite qui mène la recherche fondamentale. Lorsque le laser a été découvert dans les années 60, on disait que c'était, en plaisantant qu'à moitié, une solution à la recherche d'un problème. Ni le laser, ni l'IRM, ni les autres applications dont je vous ai parlé n'aurait pu naître d'une programmation utilitariste. Il y a un deuxième point commun à ces applications, c'est qu'elles ont toutes donné lieu à des inventions, à des instruments que nous utilisons avec l'indifférence blasée que donne l'habitude, sans même nous rendre compte qu'elles sont basées sur l'exploitation de phénomènes microscopiques subtils. D'ailleurs, la connaissance de ces phénomènes ne fait toujours pas partie du bagage culturel de l'homme du XXIe siècle. À la fin de ses années de lycée, ou même de classe préparatoire scientifique, un élève sera familier des systèmes mécaniques, des courants électriques, de la loi d'Ohm, du bonhomme d'Ampère, bref, de tout ce qui a fait le triomphe de la révolution industrielle du XIXe siècle, la machine à vapeur et le moteur électrique. Il saura peut-être ce qui se passe sous le capot de son moteur de voiture beaucoup moins ce qui se passe sous le capot de son ordinateur. Il y a là un aspect paradoxal de l'enseignement général qui, à quelques exceptions près, se trouve figé en France, d'ailleurs comme dans la plupart des autres pays, à la fin du 19e au début du 20e siècle. Le fait d'ailleurs que toutes ces inventions soient incompréhensibles à un esprit classique apparaît évident si on essaye de se souvenir des débats qui, dans une atmosphère fin de siècle analogue à celle que nous avons connue récemment, ont agité les milieux scientifiques dans les années 1890. On cherchait à savoir ce qu'allait être le XXe siècle. On avait prévu alors le développement du transport automobile, les débuts de l'aviation ou des transports aériens, peut-être même les voyages dans l'espace, bref, tout ce qui était un prolongement naturel de la physique classique. Mais personne n'avait pensé au laser, à l'ordinateur ou à la résonance magnétique nucléaire. Et en fait, ces inventions, les objets que je vous ai montrés, paraîtraient de la pure magie à un physicien de 1900 revenant parmi nous. En fait, on demanda par exemple en 1894 à Marcelin Berthelot, j'ai cherché à émailler ce discours de référence au Collège de France, donc le grand chimiste du Collège de France, on lui demanda de décrire comment il voyait la chimie de l'an 2000, à la fin d'un banquet, et il décrivit pour l'an 2000 un monde où les aliments seraient tous produits par synthèse chimique. Et il faut reconnaître que la prévision était malheureusement partiellement vraie, mais la vision pour un chimiste était un peu courte. Il n'avait prévu aucune des avancées de la chimie quantique au XXe siècle. Il est vrai qu'il aurait eu du mal à le faire, car il ne croyait pas même à l'existence des atomes dans les années 1890. À la même époque, Lord Kelvin émit une phrase qui restait célèbre et dont je citerai plus l'esprit que la lettre. Il dit « À part deux petits nuages à l'horizon, nous comprenons à peu près tout des phénomènes lumineux et thermiques ». Cette phrase exprimait bien la pensée dominante à l'époque, sans doute influencée par le philosophe Ernst Mach, qui disait que l'essentiel, c'était de relier entre elles les quantités directement observables, que si on avait pu établir une relation quantitative entre la pression, le volume, la température d'un gaz, et c'était bien le cas par la thermodynamique de l'époque, ou entre les champs électriques et magnétiques, c'était bien le cas des équations de Maxwell, on avait tout compris de ce qu'il y avait à comprendre. Qu'il y eût sous la surface des choses une vérité microscopique, certains comme Boltzmann, qui est le fondateur de la thermodynamique statistique, en avait la conviction, mais il était relativement isolé et beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'une commodité théorique sans réalité. Le deuxième aspect intéressant dans la phrase de Lord Kelvin, c'est évidemment la référence aux deux petits nuages à l'horizon. Le premier concerne les propriétés de l'éther, milieu censé baigner tout corps, et dont l'expérience de Michelson avait montré qu'il avait des propriétés contradictoires. Et le second, des anomalies dans la répartition en énergie des corps chauffés et de la lumière qu'ils émettent. Et il est tout à fait remarquable que Lord Kelvin ait vu que dans ces deux expériences de nature relativement marginale et disparate, allaient venir des difficultés pour la physique. En effet, le premier de ces nuages devait conduire Einstein à la théorie de la relativité, restreinte puis générale, et le second devait conduire à la théorie des quanta, qui nous intéresse davantage aujourd'hui. C'est en effet en 1900 que Max Planck, pour expliquer précisément les anomalies dont je parlais, a dû introduire l'hypothèse révolutionnaire des échanges discrets d'énergie entre la matière et le rayonnement, en lançant d'ailleurs à son corps défendant la révolution quantique dont nous avons vu l'importance au XXe siècle. Mais je vous ai parlé jusqu'à maintenant des succès de la théorie quantique, de son altérité radicale avec la physique qui l'a précédée, mais je ne vous ai pas dit vraiment ce qu'elle était. En fait, parler des concepts quantiques avec des termes du langage courant est une gageure qui nous ramène à la pensée de Feynman, que je citais au début. C'est que, malgré un siècle de succès éclatant, cette physique est déroutante parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle est basée sur des concepts contraires à notre intuition. Le principe fondamental sur lequel elle est basée est le principe de superposition des états. Ce principe nous dit que si un système physique peut exister dans plusieurs états différents, alors on peut également le trouver superposé dans tous ses états à la fois, comme suspendu entre différentes réalités. Un exemple simple peut nous en être donné par le plus simple des atomes et par l'électron dans l'atome d'hydrogène. Cet électron se trouve dans une superposition d'une infinité d'états correspondant à toutes les positions possibles autour du noyau, à l'intérieur d'un volume sphérique dont le diamètre est de l'ordre d'un 10 milliardième de mètre. Mais ça ne signifie pas que l'électron soit un ectoplasme délocalisé dans ce volume. Si on cherche à en mesurer la position, par exemple en éclairant l'atome avec une sonde locale, un champ électromagnétique de très courte longueur d'onde, on va le trouver en un point ou en un autre. Mais ce point sera aléatoire, différent d'une mesure à l'autre effectuées sur des systèmes identiques. Pour décrire la superposition d'état initial, les physiciens introduisent un tableau de nombres complexes, un pour chaque position possible. Ce tableau est une espèce de carte d'identité qui nous indique toute l'information que l'on peut avoir sur l'électron avant la mesure. On donne à ce tableau d'ailleurs le nom de fonction d'onde, car il obéit à une équation, la fameuse équation de Schrödinger, qui est tout à fait analogue à l'équation décrivant la propagation d'une onde acoustique ou d'une onde lumineuse, ou encore d'une onde à la surface d'un étang ou d'un lac. Mais il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une onde matérielle ou d'une onde électromagnétique, il s'agit d'une onde abstraite de probabilité. La probabilité de trouver l'électron en un point est en effet égale au carré de l'amplitude de l'onde au point correspondant. Je vais essayer de résumer l'ensemble des points étranges de la physique quantique. Le dualisme entre la description ondulatoire et corpusculaire de la matière, le fait qu'une mesure perturbe de façon irréversible et incontrôlable l'état d'un système, et surtout le caractère probabiliste de la théorie qui renonce au déterminisme classique. En physique quantique, Dieu joue au dé, disait Einstein, de façon d'ailleurs assez réprobatrice. Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Serge Haroche, la physique quantique, le 13 décembre 2001, au Collège de France. Le principe de superposition conduit directement au phénomène d'interférence quantique, que Feynman considérait comme la quintessence de l'étrangeté dans le monde quantique. Je vous donnerai un exemple simple en décrivant l'expérience de l'interféromètre d'Young. Des particules sont envoyées à travers un écran percé de deux fentes, et on les récolte derrière cet écran sur un deuxième écran où on observe les impacts qu'ils forment en s'y arrêtant. Cette expérience peut être réalisée avec toutes sortes de particules, avec de la lumière, mais aussi avec des électrons, des atomes, voire des molécules. Ce qu'on observe en général, c'est que les points d'impact se répartissent sur des lignes où la probabilité de trouver des atomes est importante, séparées par des lignes sombres, qui en fait ici sont claires, où cette probabilité est nulle. Vous allez voir, si tout se passe bien, se reproduire sous vos yeux littéralement de façon en temps réel, une telle figure d'interférence produite avec des atomes. Et il s'agit de l'enregistrement d'une expérience réelle effectuée il y a quelques années à l'Université de Tokyo. Une telle expérience est facile à comprendre si l'on admet que c'est une onde qui traverse l'interféromètre. L'onde est en effet séparée en deux ondes dérivées lorsqu'elle traverse les deux fentes, et les deux ondes partielles vont se recombiner en ajoutant leurs amplitudes sur les franges brillantes et en les soustrayant sur les franges sombres. C'est d'ailleurs ainsi que cette expérience s'interprète depuis le début du XIXe siècle lorsqu'elle est effectuée avec une onde lumineuse. Mais l'on sait également depuis le début du XXe siècle que la lumière est également un flux de particules, les photons. C'est d'ailleurs là une conséquence du dualisme dont je vous parlais tout à l'heure, appliqué au rayonnement et non plus à la matière. Comment comprendre cette expérience dans ce cas? Comment la comprendre si les particules traversent une à une l'interféromètre? Comment la comprendre lorsque se produit en particulier avec des atomes dont nous savons qu'il s'agit de particules? Lorsqu'on voit ainsi cette image se former, chaque atome traversant l'appareil semble nous dire directement « Je suis une particule, voyez mes points d'impact discrets » et en même temps et de façon contradictoire « Je suis une onde, voyez la figure d'interférence » qui va se former progressivement. Pour comprendre cette expérience, il faut alors admettre que la particule qui traverse l'appareil le fait dans cet étrange état de superposition, passant à la fois à travers les deux trous sans choisir, car si elle choisissait, il n'y aurait aucune raison d'avoir des interférences à la sortie. On peut également dire que cette expérience est une manifestation de la surprenante logique quantique. Les interférences n'apparaissent que si rien dans l'appareil ne permet de savoir par quelle fente la particule est passée. Si on cherche à le savoir, il faut modifier l'appareillage, introduire un élément nouveau qui va nous donner cette information, et cet élément nouveau va perturber la particule, modifier sa fonction d'onde, les interférences vont disparaître. Les aspects ondulatoires et corpusculaires ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires, suivant une expression chère à Niels Bohr. Le principe de superposition prend une forme encore plus surprenante lorsqu'on l'applique à des systèmes formés de plusieurs parties, qui interagissent entre elles, puis se séparent. Je vais vous donner un exemple simple ici. Je considère deux atomes de même masse qui se dirigent l'un vers l'autre avec des vitesses opposées. Ils subissent une collision et puis ils repartent dans des directions différentes. Pour détecter l'état final, on dispose tout autour du point d'impact des détecteurs qui vont enregistrer l'arrivée des atomes. Conformément au principe de superposition, avant que l'on effectue la mesure, chaque atome va se trouver dans une superposition d'état correspondant à toutes sortes de directions possibles. Finalement, un des détecteurs va enregistrer un clic et détecter l'atome. Mais alors, on constate que l'autre atome est détecté dans le détecteur immédiatement opposé. Un physicien classique reconnaîtra là une conséquence de la conservation de l'impulsion commune des deux atomes. Cependant, il y a un caractère étrange en physique quantique, un caractère remarquable en tout cas, d'une situation où deux événements aléatoires, l'arrivée de l'atome dans deux détecteurs, sont corrélés à distance et instantanément. L'étude de la fonction d'onde nous renseigne d'ailleurs de façon intéressante. La situation que j'ai décrite ici correspond à un terme de la fonction d'onde du système où les fonctions d'onde partielles des deux particules apparaissent dans un produit. Mais on aurait pu également détecter les particules dans un autre couple de détecteurs et on aurait un autre terme dans la fonction d'onde, ou dans un troisième couple, on aurait un troisième terme dans la fonction d'onde, et ainsi de suite. La fonction d'onde d'ensemble du système, avant que l'on ait mesuré les particules, apparaît alors comme une somme de produits. Et cette somme de produits ne peut pas être factorisée. On ne peut pas l'interpréter comme étant le produit d'une fonction d'onde appartenant à chacun des atomes. En d'autres termes, la collision entre les deux atomes a fait disparaître la carte d'identité individuelle de l'atome. Il n'y a plus qu'une carte d'identité pour l'ensemble des deux, et chaque atome a perdu son individualité quantique. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité ou encore l'intrication quantique. Et elle a des conséquences physiques importantes. Elle signifie que ce qui arrive à un atome dans un coin de l'univers est inextricablement intriqué à ce qui se passe sur un autre atome dans un autre coin de l'univers, ceci quelle que soit leur distance et quel que soit le type de mesure qu'on effectue sur les atomes. Ce phénomène que Einstein, avec ses collaborateurs Podolsky et Rosen, a étudié pour la première fois dans les années 30, l'avait également fortement troublé. Et ce lien immatériel à distance entre des particules qu'on appelle la non-localité, il correspond à ce qu'on appelle souvent le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, le paradoxe EPR. Le paradoxe EPR et l'intrication quantique que je viens d'évoquer ont une relation profonde avec la notion de complémentarité. Je vous ai parlé de complémentarité tout à l'heure, et maintenant d'intrication. Lorsqu'on cherche à savoir par quel chemin une particule traverse un interféromètre, il faut, comme je vous l'ai dit, modifier l'appareillage. Par exemple, ajouter un laser qui va éclairer les deux fentes et diffuser des photons dans une direction si la particule passe par une fente, dans l'autre direction si elle passe par l'autre fente. Ce faisant, ce qu'on réalise ici, c'est une expérience d'intrication. Ce n'est plus une collision de deux atomes, c'est une collision entre la particule de l'interféromètre et le photon qui nous renseigne sur sa trajectoire. Et cette intrication fait disparaître la fonction d'onde individuelle de la particule. Elle se trouve intriquée à celle du photon, et la disparition de cette fonction d'onde fait disparaître les franges d'interférence. Je voudrais maintenant parler du principe de superposition des états lorsqu'on l'applique à des particules identiques. La notion d'identité est une notion bien connue en physique classique. On a tous entendu parler, par exemple, de vrais jumeaux qui sont identiques, mais en physique classique, cette notion est un peu anecdotique. Elle prend un sens beaucoup plus profond en physique quantique lorsqu'on la combine avec le principe de superposition. À nouveau, je vais considérer un exemple très simple. Je vais supposer qu'on a déposé, par exemple, une particule dans une boîte et qu'on essaye d'y ajouter une deuxième particule et puis qu'on les fasse sortir l'une après l'autre pour les détecter. Peut-on savoir si les particules sont détectées dans l'ordre où elles ont été introduites dans la boîte ou dans l'ordre inverse? L'équivalent classique de cette expérience serait celle d'un épargnant qui, ayant un euro dans un coffre, en ajoute un second et puis les dépense tous les deux. Et il pourrait se poser la question, est-ce que je dépense les euros dans l'ordre où je les ai thésaurisés ou dans l'ordre inverse? Vous admettrez que la question n'a pas un grand intérêt économique, mais au moins, l'épargnant classique peut le faire. Il peut mettre une caméra dans la boîte où il peut faire, comme je l'ai fait ici, colorer ses 2 euros de couleurs différentes et il peut suivre les opérations. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprendrez que l'expérimentateur quantique n'a pas cette possibilité. Il faudra en effet qu'il éclaire ses particules et il va les intriquer avec les photons servant à les détecter et il n'aura pas observé le phénomène tel qu'il se passe en absence de détection. Il faut donc renoncer à colorer nos euros et vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucun moyen de savoir si le système a suivi un chemin ou l'autre. Ainsi, on a affaire à deux chemins indiscernables et comme dans l'expérience de Jung, il faut associer une amplitude à chacun de ces chemins. Ces amplitudes peuvent interférer et donner lieu à des franges brillantes ou à des franges sombres. En fait, les deux situations existent dans la nature. Pour un type de particules qu'on appelle les fermions, ces deux amplitudes s'ajoutent avec le signe moins. Elles sont de signe contraire, la probabilité s'annule et donc il n'y a aucune possibilité de mettre les deux particules dans la boîte. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. C'est un principe qui est une mauvaise nouvelle pour des épargnants d'électrons, mais une excellente nouvelle pour la diversité de notre monde. Ça signifie en particulier que dans un atome, une molécule, un solide, Tous les électrons doivent se répartir en autant d'états d'énergie qu'il y a d'électrons dans le système, et ça donne une diversité de structures absolument extraordinaire. Ça explique en particulier les lois de la biochimie sur laquelle notre vie est basée, et donc on peut dire que si les fermions n'étaient pas des particules indiscernables, nous n'existerions pas. D'ailleurs, Feynman insiste dans son livre de physique générale sur le fait que, par exemple, je passerai à travers le sol de cette salle. C'est en effet parce que les électrons de mes semelles s'opposent, ne veulent pas se trouver au même point que les électrons du sol sur lequel je me tiens, que celui-ci exerce la force de réaction qui me maintient devant vous. Donc toute la physique serait complètement différente si les fermions n'existaient pas. Je vous ai parlé ici de conséquences un peu triviales, mais les propriétés des semi-conducteurs, qui sont à la base de toute la technologie moderne, sont basées sur les propriétés fermioniques. Pour un autre type de particules, qu'on appelle les bosons, ces amplitudes s'ajoutent au lieu de se retrancher. On est sur une frange brillante de l'interféromètre de Young. Ça veut dire que non seulement les deux particules accepteront d'aller dans le même état, mais ils le feront avec une probabilité plus grande que s'ils étaient discernables. Les bosons sont des particules grégaires. Les propriétés de la lumière seraient complètement différentes si les photons étaient des bosons et si les photons étaient par exemple discernables. Un certain nombre d'effets qui ont été découverts au cours du XXe siècle sont liés au caractère bosonique des particules. Par exemple, la superfluidité de l'hélium aux basses températures, le fait que cet hélium s'écoule de façon sans aucune viscosité est lié au fait que l'hélium est un boson. Le fait que certains métaux conduisent à basse température le courant sans perte, sans échauffement, la supraconductivité, est lié au fait que dans ces métaux, les électrons s'associent en paires qui se comportent comme des bosons et non comme des fermions. Et nous avons vu que cela a des conséquences technologiques, par exemple la fabrication d'aimants supraconducteurs pour la résonance magnétique nucléaire. Le phénomène de condensation des bosons dans un état quantique unique, si les bosons sont refroidis suffisamment, a été prévu par Bose et Einstein en 1924. Il n'a été observé que 70 ans plus tard, dans une très belle expérience effectuée sur des atomes de rubidium refroidis à une température d'une fraction d'un millionième de degré absolu. Et cette expérience a ouvert le champ d'applications très nombreuses, dont certaines sont sans doute prometteuses sur le plan pratique. Le prix Nobel vient d'ailleurs d'être décerné aux auteurs de cette première expérience. Nous avons vu jusqu'à maintenant que la physique quantique est indispensable pour comprendre le comportement de la matière au niveau microscopique, qu'elle est également indispensable pour comprendre certains phénomènes collectifs impliquant un grand nombre d'atomes. Néanmoins, il faut reconnaître qu'à l'échelle macroscopique, la plupart du temps, les phénomènes de superposition ne sont pas directement observables. Personne n'a vu, par exemple, une boule de billard passer simultanément par deux trous, et on peut même se demander ce qu'un tel phénomène pourrait signifier. En fait, on peut penser que c'est parce que notre intuition commune s'est forgée à l'observation du monde macroscopique où ces superpositions n'existent pas, qu'on a du mal à les imaginer. On peut dire que notre cerveau a été câblé par l'évolution pour comprendre des collisions de boules de billard, pas des collisions d'atomes ou d'électrons. Il y a là cependant un paradoxe, parce que les objets macroscopiques, les boules de billard, sont constitués par des atomes qui séparément obéissent aux lois quantiques. Donc on peut se demander pourquoi ces lois s'effacent-elles à l'échelle macroscopique, pourquoi l'apparence classique du monde finit par émerger du quantique sous-jacent. Schrödinger a posé ce problème de façon assez provocante lorsqu'il a discuté sa fameuse expérience du chat. Il a imaginé qu'on enferme dans une boîte un système macroscopique complexe, un chat vivant, avec un seul atome, et que cet atome soit utilisé pour mettre le chat dans une superposition de deux états dramatiquement différents, un état où le chat est vivant superposé à un état où le chat est mort. Si on admet, et c'est ça le point crucial du raisonnement, que le chat possède une fonction d'onde individuelle, ceci est une conséquence inéluctable de la théorie quantique. Et néanmoins, personne n'a vu une telle situation burlesque, n'a jamais observé un chat dans une telle superposition et surtout n'a jamais vu d'effet d'interférence associé aux deux états du chat. Alors qu'est-ce qui arrive au chat de Schrödinger? Pour le comprendre, il faut faire appel à un dernier concept important, celui de décohérence. En fait, un système complexe, qu'il soit d'ailleurs vivant ou inanimé, ne peut pas être isolé de son environnement. Le chat va être entouré par des molécules, par des photons thermiques, et très rapidement, il va se coupler à cet environnement. Et ce couplage va conduire à une intrication avec l'environnement qui va détruire la fonction d'onde spécifique du chat. Le chat n'aura plus qu'une fonction d'onde combinée à l'environnement et pas de fonction d'onde individuelle. Et ceci fait que les effets d'interférence vont disparaître. Ceci est donc analogue à l'observation du chemin de la particule dans un interféromètre. C'est l'environnement, les molécules de l'environnement, qui évoluent dans des états différents suivant que le chat est vivant ou mort, ou suivant que le système est dans un état macroscopique ou un autre, qui détruisent la possibilité d'observer des interférences. Ce phénomène est d'ailleurs d'autant plus rapide que le système est plus gros et il explique le passage continu du classique au quantique. le fait de décrire des phénomènes, des concepts quantiques profonds comme la superposition d'états, la décohérence, la complémentarité, avec des termes issus du langage quotidien, n'est pas exempt de danger. Le premier de ces dangers est d'ailleurs tout à fait commun à toutes les leçons inaugurales, en particulier les leçons scientifiques, c'est de paraître trivial aux spécialistes et complètement incompréhensible aux autres. Il y a un autre danger qui est un peu plus subtil, qui est que l'auditoire non spécialisé, entendant parler d'êtres mi-ondes, mi-particules, s'imagine qu'on a affaire à ces monstres qui peuplent la statuaire des églises romanes, mi-hommes, mi-bêtes, et donne un côté sorcier à la physique quantique. Cette sorcellerie, ce caractère indéfini, est d'ailleurs renforcé par l'emploi inapproprié d'expressions comme indétermination et incertitude quantique. Je voudrais insister sur le fait que rien n'est plus éloigné de l'essence de cette physique qui donne du monde une description d'une précision extraordinaire et qui donne surtout aux formes à l'échelle microscopique une stabilité de structure, une permanence que la physique quantique, que la physique classique serait incapable d'expliquer. Pour comprendre cela, il faut néanmoins s'affranchir des métaphores et des images classiques et se plonger dans le formalisme de la théorie. Ce formalisme est un formalisme mathématique relativement simple et la notion de superposition des états, qui paraît si floue lorsque je l'exprime avec des mots du langage commun, est une conséquence d'une propriété fondamentale de cette théorie qui est sa linéarité. Elle décrit les objets physiques par des êtres mathématiques qui sont des vecteurs que l'on combine dans un espace abstrait que l'on somme et que l'on combine suivant des lois d'algèbre simple. Une fois qu'on a appris ces lois, les concepts dont je vous ai parlé, la superposition des états, la complémentarité, le dualisme, la décohérence, en apparaissent comme des conséquences évidentes. Et on n'a plus à se poser de questions métaphysiques sur les objets que l'on étudie. On peut simplement calculer, et c'est ce qu'ont fait les physiciens, la plupart des physiciens au cours des 100 dernières années avec le succès dont j'ai parlé. Mais il faut faire un effort d'abstraction. Et surtout, le lien entre la théorie et l'observation directe du monde est plus indirect qu'il ne l'est en physique classique. On n'observe pas directement, en général, les entités dont on parle. Et je pense que c'est la combinaison de ces deux aspects, la nécessité d'une abstraction, d'un formalisme, et l'éloignement entre l'expérience et la théorie qui rendent la physique quantique si difficile à enseigner à un niveau élémentaire. Ce chemin, d'ailleurs, entre l'expérience et la théorie, les fondateurs de la physique quantique ont dû le suivre et ils ont progressé au cours des années 20 à l'aide d'intuitions géniales qui étaient suggérées par des observations indirectes du monde. Vous avez ici une photo de Bohr, Heisenberg et Pauli. Ces intuitions, c'était par exemple l'intuition des ondes de matière par De Broglie en 1923, l'intuition du principe d'exclusion de Pauli dont j'ai déjà parlé en 1925. Et puis tout de suite après, la théorie s'est développée très rapidement dans les travaux indépendants de Heisenberg, de Schrödinger et de Dirac. À cette époque, pour discuter de la théorie émergente, ces physiciens avaient pris l'habitude d'imaginer des expériences de pensée, des expériences imaginaires dans lesquelles ils se voyaient manipulant des objets quantiques individuels, un atome, un électron, un photon, à l'aide d'appareils qui peuvent nous paraître un petit peu naïfs, mais qui leur permettaient de dégager les phénomènes essentiels en s'affranchissant de toutes les difficultés d'un essentiel dans le problème. Ils pensaient en même temps que ces expériences seraient à tout jamais infaisables. Schrödinger, jusque dans les années 1950, sans doute encore influencé par la pensée de Mach, pensait qu'il était ridicule d'envisager qu'on pourrait jamais voir directement, manipuler directement in vivo un atome. Il serait donc très surpris par les expériences que les progrès de la technologie, d'ailleurs basés sur les phénomène quantique dont j'ai parlé, nous permet maintenant de réaliser. Grâce au microscope à effet tunnel, on peut littéralement voir des atomes à la surface d'un cristal. On peut même les déplacer et écrire avec ces atomes des structures. Par exemple, les trois lettres que vous voyez ici ont été réalisées dans le laboratoire d'une compagnie dont je n'ai pas besoin de vous dire le nom. Elles sont écrites à une échelle du milliardième de mètre. Écrit à cette échelle, tous les livres de la Bibliothèque nationale tiendraient largement sur un timbre. On peut également suspendre des atomes dans l'espace par un jeu de forces électromagnétiques. Et ces atomes suspendus dans l'espace, on peut les interroger à l'aide de faisceaux laser, leur faire diffuser de la lumière. Et on peut ainsi voir directement des atomes. Voici un atome, voici deux atomes, et voici en bas sept atomes que l'on peut même mettre en mouvement et observer leurs vibrations au cours du temps. On peut également intriquer entre des photons individuels les envoyer à travers des fibres optiques à de très grandes distances, ou encore les piéger dans une boîte formée de miroirs ultra-réfléchissants et les observer sans les détruire. Mais il y a plus. En apprenant à manipuler des systèmes de cette façon, on ouvre la voie à un champ nouveau de recherche qui est à la frontière entre la théorie de l'information, l'informatique et la physique, qu'on peut appeler le traitement quantique de l'information. Le Collège de France et France Culture vous présentent la leçon inaugurale de Serge Haroche, La physique quantique, le 13 décembre 2001. Tous les signaux que s'échangent les machines informatiques dans notre monde sont composés d'éléments indivisibles, que l'on appelle les bits, et qui jouent, pour la théorie de l'information, le rôle des atomes pour la matière. Chaque bit peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Une suite de ces bits représente une lettre de l'alphabet, un texte, un morceau de musique, une image. En les couplant entre eux, on peut les additionner, on peut les multiplier et faire par combinaison les opérations les plus complexes. Dans les machines habituelles, les bits sont portés par des courants électriques ou encore par des faisceaux lumineux dans des fibres optiques. Ils sont constitués d'un grand nombre d'électrons et de photons. Il s'agit de bits classiques. Mais le fait que l'on puisse maintenant manipuler des objets quantiques individuels permet, tout au moins en principe, de coder un bit dans un seul atome, un seul photon, possédant deux niveaux d'énergie, deux états de polarisation, que l'on peut toujours appeler 0 et 1. On ouvre alors la possibilité à un stockage extraordinairement dense de l'information. Souvenez-vous des bibliothèques nationales tenant sur un timbre-poste, mais il y a beaucoup plus. Alors que les bits classiques prennent la valeur 0 ou 1, un bit quantique peut être dans une superposition d'états 0 et 1. On ouvre alors à la théorie de l'information la logique d'un monde où, contrairement à l'adage de Musset, une porte peut être à la fois ouverte et fermée, un bit prend la valeur 0 et 1, un chat vivant et mort. Et ceci peut avoir de nombreuses conséquences intéressantes. En particulier, par exemple, pour la cryptographie. La cryptographie est la science de l'échange secret d'informations entre deux partenaires, qui est aussi vieille que la diplomatie ou l'art de la guerre. Si deux partenaires que les théoriciens de l'information anglo-saxons ont pris l'habitude d'appeler Alice et Bob, veulent échanger un message de façon secrète, il faut qu'ils possèdent d'abord chacun une copie d'une clé formée de suites aléatoires de 0 et de 1, aussi longue que le message qu'ils veulent échanger. Alice, l'expéditrice, va ajouter à chacun des bits de son message un bit de sa clé, le brouillant complètement. Elle le transmet à Bob et Bob, de son côté, n'a plus qu'à soustraire à chacun des bits du message brouillé le bit de la clé pour le reconstituer. Aucun espion, aussi habile soit-il, ne peut décrypter ce message à moins qu'il ne possède, bien sûr, une copie de la clé. Donc le partage secret de la clé entre Alice et Bob est vraiment le point crucial de l'opération et c'est là que la physique quantique a son mot à dire. Si Alice, par exemple, est capable de fabriquer des paires de photons ou des paires de particules dans le fameux état intriqué EPR dont je parlais tout à l'heure, elle va garder une des particules pour elle et envoyer l'autre particule à Bob. Du fait de ce lien immatériel à distance entre les particules, s'ils effectuent des mesures sur leurs particules, ils vont trouver des résultats toujours corrélés et ils auront donc la même suite aléatoire de 0 et de 1 qui pourra leur servir de clé. Le point crucial sur lequel je n'ai pas le temps d'élaborer, c'est que si un espion essaye d'intercepter les bits qu'Alice envoie à Bob, les lire et bien sûr les remettre dans le circuit pour que personne ne s'aperçoive, il va jouer le rôle d'un environnement qui va introduire de la décohérence et il va détruire les corrélations parfaites. Alice et Bob n'auront aucun mal à s'en rendre compte et ils suspendront leur communication en attendant des temps meilleurs. Ce procédé d'échange cryptographique quantique a d'ailleurs été réalisé dans plusieurs laboratoires. Dans ces expériences, les bits sont portés par des photons qui peuvent se propager sur plusieurs dizaines de kilomètres. En fait, un bit quantique est un animal un peu étrange, très différent du bit classique. Si on vous donne un bit quantique dans une superposition d'états 0 et 1 que vous n'avez pas vous-même préparé, vous n'avez aucun moyen de savoir dans quel état il est. Si vous faites une mesure, vous allez trouver 0 ou 1, mais vous n'aurez aucun moyen de savoir quelles étaient les valeurs des amplitudes associées. Et le bit sera détruit par la première mesure, ce sera fini. Est-ce que ça veut dire qu'un tel bit inconnaissable soit inutile pour la théorie de l'information ? La réponse est non. Ça peut paraître un peu étrange, mais l'information peut être stockée non pas dans le bit lui-même, mais dans les corrélations que le bit établit avec d'autres bits, dans l'intrication, dans des effets d'interférence, et il peut être utile de manipuler des bits qu'on ne connaît pas. Il peut même être utile de pouvoir les transporter d'un point à un autre pour effectuer à distance des opérations sur eux. Le principe de cette opération classique et bien connu, c'est le fax. Alice possède une suite de 0 et de 1, un texte. Elle le fait lire par une machine qui est transmise par une ligne téléphonique à Bob, qui a une machine réceptrice et qui lit le fax. Il n'y a aucun problème. Mais que peut faire Alice si elle est incapable de lire son bit? Là encore, la physique quantique va nous aider et les paires EPR vont nous aider. Il suffit encore que Alice et Bob partagent un ensemble de paires intriquées dans l'état EPR. Alice va coupler son partenaire EPR à la fonction d'onde inconnue, à l'état au bit inconnu, superposition de 0 et de 1. Elle va effectuer une mesure sur le système ainsi formé, et cette mesure va avoir immédiatement un effet sur le bit de Bob. Si Alice communique à Bob le résultat de sa mesure, celui-ci pourra, par une opération élémentaire, transformer son bit et le mettre dans l'état qu'avait le bit d'Alice avant l'opération. Dans l'opération, le bit d'Alice a disparu. Donc c'est une opération un peu plus subtile. De façon paradoxale, ni Alice ni Bob ne connaissent l'état qu'ils se sont transmis. Ils savent simplement que c'est le même état qui est passé de l'un à l'autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce procédé ne viole pas la causalité. L'information nécessite un canal classique. Il faut que Alice donne une information à Bob pour qu'il puisse faire l'opération. Ce principe astucieux a été proposé par des théoriciens de l'information quantique il y a à peu près une dizaine d'années. Je ne sais pas ce qui est de plus génial de l'invention elle-même ou du nom qu'ils lui ont donné. Ils l'ont appelé téléportation. Et il faut reconnaître que ce terme, avec sa connotation de science-fiction, a eu un succès médiatique énorme. L'expérience a été réalisée dans différents laboratoires, sous des formes légèrement différentes de celles que je viens de décrire. Je ne peux achever ce survol de l'informatique quantique sans parler de l'ordinateur quantique, de ses formidables possibilités théoriques et de ses non moins formidables difficultés de réalisation pratique. Nous avons vu dans notre monde actuel, les ordinateurs sont basés sur des effets quantiques pour leur technologie, mais la logique de leurs opérations est bien classique. La porte d'un ordinateur est ouverte ou fermée, jamais dans une superposition des deux états. Il en irait tout à fait autrement dans un ordinateur quantique. Un tel ordinateur utiliserait des bits quantiques, il tricoterait de l'intrication entre ces bits, il réaliserait des interférences entre différents chemins possibles, et on pourrait le considérer un peu comme un système qui fait des calculs quantiques en parallèle sur un très grand nombre de chemins, en faisant interférer les chemins et en exploitant une interférence positive pour obtenir le résultat que l'on cherche. De tels ordinateurs seraient extrêmement intéressants parce que, pour certains types de problèmes qui sont très difficiles et très longs à résoudre avec les ordinateurs classiques, ils semblent avoir des capacités bien plus grandes. En particulier, un algorithme a été découvert pour une opération qui est extrêmement difficile à réaliser classiquement, qui est la factorisation des grands nombres. Et c'est la découverte de cet algorithme il y a quelques années qui a vraiment lancé l'engouement pour ce type de recherche. Sur le plan expérimental, nous savons maintenant coder des bits dans un système, dans un atome, dans un photon, dans le moment magnétique du noyau, d'une molécule, et on peut réaliser avec ces systèmes des petites opérations quantiques élémentaires, réaliser des portes quantiques intriquées, 2, 3, 4 particules entre elles, ou même faire de petits algorithmes quantiques de base. Est-ce qu'on pourra pousser ces opérations jusqu'à l'ordinateur quantique macroscopique ? Le problème qui va se poser immédiatement, c'est le problème de la décohérence. Ce que l'on cherche à réaliser de cette façon, c'est un espèce de gigantesque chat de Schrödinger calculateur, et la perte de la moindre information dans l'environnement, la perte de la moindre information sur l'un des bits, va détruire la cohérence et rendre le calcul absolument inutile. Les théoriciens de l'informatique ont montré qu'il était possible d'appliquer des codes de correction d'erreurs astucieux, repérer les moments où une erreur se produit et en corriger les effets. Ils ont même montré que si chacune des opérations atteignait un degré de fiabilité suffisant, ces corrections seraient suffisantes pour fabriquer une machine macroscopique. Il est clair cependant que les atomes ou les photons ou les moments magnétiques des machines actuelles n'y suffiront pas. Certains mettent de l'espoir dans la réalisation de petits circuits supraconducteurs ou de petites boîtes quantiques de semi-conducteurs pour réaliser les qubits. La décohérence de ces systèmes est cependant très importante actuellement, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle reste à évaluer et à corriger. Est-ce que l'ordinateur quantique verra le jour ? Je crois que l'histoire peut se comparer un petit peu à l'histoire des ordinateurs classiques. Les éléments dont nous disposons actuellement jouent un peu le rôle des antiques engrenages des machines de Pascal ou de Babbage, qu'il était impossible d'intégrer en nombre suffisant. Pour l'ordinateur classique, la solution est venue du transistor. Et on peut se demander, est-ce qu'il existe, attendons notre découverte, ce fameux transistor miraculeux qui permettra l'essor de l'ordinateur quantique. La réponse à cette question, évidemment, personne ne peut la donner. Ce qu'on peut dire, c'est que si cet ordinateur était découvert, les conséquences en seraient sans doute beaucoup plus grandes que simplement la factorisation des grands nombres. On aurait en quelque sorte le chat de Schrödinger parmi nous, la frontière entre les mondes classiques et quantiques aurait été dans un certain sens abolie, et personne ne peut savoir quelles en seront les conséquences. Alors, est-ce qu'on peut attendre un tel résultat pour ce siècle? Les prévisions faites dans le passé nous incitent peut-être à la prudence. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que quoi qu'il arrive, ce domaine de recherche est intéressant parce que, en mariant les techniques de l'information, du traitement de l'information avec la physique quantique, on apprend à quantifier, à classer la complexité dans le monde quantique. Et sur le plan expérimental, on apprend en manipulant des systèmes de plus en plus complexes, on acquiert également une information intéressante. Il y aura sans doute des applications, même si ce n'est pas celle que l'on attend. Au terme de cet exposé, j'espère que je ne vous ai pas laissé une impression trop réductionniste de la physique. J'ai essayé de vous montrer que la physique quantique était essentielle à la compréhension de phénomènes essentiels pour notre propre vie, qu'il s'agisse de notre vie biologique ou de notre vie dans le monde technologique. Mais la physique quantique, si elle est indispensable, n'est évidemment pas suffisante. Dès qu'on considère des systèmes complexes, il faut faire intervenir des principes d'organisation de la matière qui ne se réduisent pas à une simple somme d'effets microscopiques. Et il serait complètement illusoire d'essayer de tout calculer à partir des premiers principes en suivant l'évolution de tous les atomes d'un système. L'introduction de ces principes d'organisation qui fait appel à la définition de paramètres d'ordre, de paramètres macroscopiques qui décrivent le quantique de façon globale, fait émerger des effets nouveaux imprévisibles. Il y en a eu de nombreux exemples, en particulier en physique de la matière condensée, que je n'ai pas le temps d'évoquer. Je voudrais simplement dire que en physique, et encore sans doute plus en chimie, en biologie, il est clair qu'il y a des concepts qui sont différents, des concepts quantiques et qui sont indispensables. Et je ne pense pas en particulier que la physique quantique ait grand-chose à dire pour décrire, par exemple, les mécanismes cérébraux à l'origine de la conscience, comme certains ont pu le croire. Je voudrais dire également que j'ai beaucoup insisté sur les succès de la théorie quantique, et ces succès, je dois le dire, sont utilisés de façon paradoxale et parfois un peu perverse contre la physique, pour en annoncer en quelque sorte la fin. On dit que la physique a accompli son programme, et que donc elle est terminée pratiquement, et qu'elle est remplacée aux frontières du savoir par la biologie ou par les neurosciences. Outre le fait que c'est une opposition entre les sciences qui est assez malsaine, je pense que cette idée est aussi fausse aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Souvenons-nous des deux petits nuages de Lord Kelvin. Alors d'où viendra la surprise? Est-ce que c'est de l'incapacité actuelle d'inclure la gravitation dans la théorie? Est-ce que c'est de la cosmologie avec la fameuse masse manquante de l'univers? Il est difficile de le dire. Est-ce que la théorie quantique sous sa forme actuelle est là pour toujours ou au moins pour longtemps, ou est-ce qu'elle va être remplacée par des conceptions plus générales qui, tout en englobant ces idées, seront plus précises, par exemple, au niveau des problèmes d'interprétation? Ça reste également un problème ouvert. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est présomptueux de sous-estimer les capacités qu'a la nature de nous surprendre. Il est clair que des découvertes restent à faire et de nombreuses inventions à faire qui nous paraîtraient sans doute aussi surprenantes qu'un ordinateur portable à Marcelin Berthelot. Décrire l'évolution d'une discipline, poser les questions fécondes qui font avancer la réflexion, rendre compte de l'enthousiasme mais aussi du questionnement et des problèmes qui se posent à la recherche, ce sont les buts que vous vous assignez tous, mes chers collègues, dans vos cours du Collège de France. Chaque professeur aborde cette tâche avec son expérience personnelle, avec sa personnalité façonnée par ses rencontres et sa formation, et il est tradition donc de terminer par quelques mots sur ce trajet personnel. Je dirais simplement que je me suis familiarisé avec les atomes à l'école normale dans les années 60. Je venais, pour ainsi dire, du 19e siècle, je veux dire de la physique classique, des classes préparatoires scientifiques, et je me suis très rapidement immergé dans la physique quantique grâce aux cours de maîtres exceptionnels. Je voudrais rappeler les cours d'Alfred Kastler qui nous parlait de la danse des moments cinétiques atomiques et qui donnait une véritable vie poétique aux atomes et aux photons. Je voulais parler aussi des cours de Jean Brossel qui nous remettait les pieds sur Terre en nous décrivant les grandes expériences qui avaient fondé la théorie, qui avaient permis de comprendre vraiment la théorie quantique, et ce faisant, il nous insufflait l'austère passion de la précision. Je voulais parler aussi des cours théoriques de Claude Cohen-Tanoudji qui nous a vraiment, avec une clarté et une profondeur extraordinaire, expliqué les fondements de cette théorie. Je voulais également dire qu'à cette époque, j'ai dévoré 3 ouvrages dont je me souviens et qui m'ont laissé un souvenir impérissable. C'est la mécanique quantique d'Albert Messia. Le cours de Cohen n'existait pas à l'époque. C'est dans votre livre que j'ai vraiment appris les beautés de la théorie. Les principes du magnétisme nucléaire d'Anatole Abraham qui m'ont initié aux subtilités de ces moments magnétiques et qui ne m'ont pas quitté depuis. Et le cours de physique générale de Feynman qui a été vraiment une illumination. C'était l'époque où se construisaient tous les jours, s'inventaient tous les jours des nouvelles méthodes de manipulation d'atomes par la lumière, et les cours trouvaient tous les jours une illustration au laboratoire où j'ai effectué ma thèse sous la direction enthousiaste de Claude. C'est ensuite que j'ai été exposé à l'ambiance anglo-saxonne de la recherche pour la première fois. Je suis parti en stage postdoctoral à Stanford en Californie dans le laboratoire d'Arthur Chalot, l'un des inventeurs du laser, et j'ai eu une expérience très intéressante là-bas. L'atmosphère était totalement différente. On était loin de la rigueur des cours de Paris, mais on s'amusait plus avec ces merveilleux jouets qui étaient les lasers accordables en fréquence que les compagnies de la Silicon Valley, il faut le dire, destinées en priorité au laboratoire californien. Les premiers prototypes arrivaient dans ces laboratoires et j'ai vu là des lasers que je n'avais jamais vus avant. Art Chalot avait un enthousiasme communicatif et toujours une idée, parfois farfelue, parfois géniale. Je me souviens du jour où il a inventé le premier laser comestible en faisant laser ces horribles gelées alimentaires bourrées de colorants qui faisaient ses délices. Mais il y avait également d'autres inventions comme des nouvelles méthodes spectroscopiques qui reculaient à chaque fois les limites de la précision et de la sensibilité des mesures. Art Chalot avait également un solide sens de l'humour que je crois indispensable au maintien d'une saine ambiance dans un laboratoire. Il disait souvent, pour réussir en recherche, il ne faut pas tout savoir sur tout, il suffit de savoir une chose que les autres ignorent. Et je crois que c'est très important, c'est plus profond que ça en a l'air. Ça joue, surtout chez les jeunes chercheurs, un grand rôle pour nous soulager du poids intimidant du savoir universel, si souvent inhibant, soit qu'il décourage, soit qu'il conduise à une attitude trop sceptique sur le monde et les découvertes qui restent à y faire. J'ai eu également la chance dans ma carrière d'avoir des étudiants exceptionnels, dont 2 sont devenus de proches collaborateurs. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est sans doute dû à la reconnaissance du travail que l'équipe de recherche qui est dirigée par Jean-Michel Raymond, Michel Brune et moi-même effectue au laboratoire de l'ENS. Je voudrais en profiter pour dire à Jean-Michel, à Michel et aux autres tout le plaisir que j'ai à travailler avec eux dans une atmosphère pleine d'enthousiasme, d'imagination et d'humour. Finalement, je voulais ajouter que mon métier, et c'est un de ses grands avantages, m'a donné l'occasion de faire connaissance de nombreux collègues étrangers et de partager avec eux notre passion dans la diversité de nos formations et de nos cultures. Certains sont devenus, pour ma femme et moi-même, des amis très proches, et certains nous ont fait l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc je voudrais les en remercier, et j'espère que le travail que j'accomplirai au Collège de France nous permettra de resserrer encore nos liens. Dans une époque incertaine où la globalisation des échanges conduit à des craintes et des espoirs inextricablement intriqués, s'il est un domaine où la mondialisation n'a que des avantages, c'est bien celui de la réflexion et de la recherche. Je vous remercie. C'était la leçon inaugurale de Serge Haroche, la physique quantique, le 13 décembre 2001, au Collège de France, en coproduction avec le CNED. Serge Haroche a également introduit les actes du colloque « Science et démocratie » au Collège de France les 17 et 18 octobre 2013, un ouvrage collectif paru chez Odile Jacob en 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations liées à cette diffusion. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Élise Leu. Demain, Jean Dalibard, Atomes et rayonnement. Belle fin de journée à l'écoute de France Culture.